Ok. Emma Tom, New School, New Mixtape, Freestyle 2010. Let's go. It's King G, homie. Ok. Check. Blackberry, no thanks. Check my HTC new shit on its way. Easy like ABCD. My life is fast and crazy like Wizzy F, baby. Everywhere I'm going, I got different kind of ladies. Saying I saw you on TV, can't remember your name. All they see is in your nigga who's surfing on the wave. Major in your raid me until I make the buzz. And soon as I made it, they will suck my dick because I'm getting money, and this is not something new. It explains why you try to be every place that I go. What's better than set up home with your girls and a baby? Well, cars, hoes, clothes, and cash money, man. Cut my wings if you want to, I don't need them to be fly. Just trying to shut me down and I will gain even high. They said money has no smell but the lie. The more money I earn, the more pussy I grind. My lyrics portray picture like Mona Lisa. I shop, I drop, niggas stop my name on Lisa. Appearance must be better cause we just what we wanna see. That's why you don't even realize Pink T is who you wanna be. Pink T. Okay. Partie 2. Encore un texte parmi tant d'autres. Non, bien sûr, c'est pas de la pop. C'est My Tom, le street album. Pas là pour chanter lollipop. C'est pas les genres de nos idoles. Non, c'est pas le vrai hip-hop. Pour être sur nos hip-hop, il faut que tu déchires l'anti-pop. Mais moi, j'ai l'antidote. Dot, je rappe aux antipodes. Pod, chaque instrumental, mon flow s'adapte à la prod. Prod, dès que j'ai les bods, brod, les prod, on les bosse, boss. Les faux, on les fuck, fuck. Mon cas raconté des tomes. Et c'est dommage. Nous voici venu la pommade. Tu connais pas notre musique. On vit acheter de la pommade. C'est My Tom, man. Droit du texte en punchline. Je vois que tu comates car même dans l'ombre j'suis ton sunshine. J'suis pas le seul man, ce prétendant marginal. Mais loin de tous ces têtes machinales faisant des caresses vaginales. Ouais ouais ma chienasse, bouge ton boule en cadence. Voilà ce que les mômes qui font le top 50 dans les bacs attendent. De la merde entendre, c'est la génération skyrock. Ce qui importe c'est le montant, surtout pas les titres chocs. Dont dans ce merdier on résiste pour glorifier notre passion. Car le hip hop n'est pas mort à cette question. Allez passons, mais les passants ont désert mes 10 ans. Du moment qu'on parle de rap et ça depuis leurs 10 ans. Mais disons qu'ils disent des milliers de sottises. Soit ils antivisent alors qu'en fait on les méprise. Ils disent que notre culture ne vaut pas ce terme. Je dédie ce morceau à tous les bidons qui veulent nous faire taire. Ils disent que le rap c'est pire que des boîtes de conserve. Je dis qu'ils vont changer d'avis et qu'ils nous verront en concert. Ils disent que notre langage est pire que du poisson. Je dis que leur cerveau n'est pas plus grand que la taille d'un poisson rouge. Mec tu dis que de la merde sérieux tu me saoules. À force de parler tu te fais passer pour une couille. Tu répètes les mêmes conneries sur nous et la foule, foule, foule, foule. Ouais bouge. Mec tu dis que de la merde sérieux tu me saoules. À force de parler tu te fais passer pour une couille. Tu répètes les mêmes conneries sur nous et la foule, foule, foule, foule. Ouais bouge. MC Bap Touch. Yeah. Car le hip-hop n'est pas mort à cette question, allez passons. Hey, yo okay. C'est underground, j'prends le mic, les gens se demandent mais c'est qui ce gars. Des mal et des gars, t'hallucines, c'est tard, les MC c'est gars. Est-ce qu'il a en mode guerrier, j'débarque avec mon bataillon. Éloignez-vous du front si vous pensez que vous êtes des faibles maillons. J'ai la dalle et ça tu le sens dans mes punchlines. J'suis high mais ça rimpanché sur l'instru, moi j'vais tout graille, tout croquer, tout arracher négro. J'suis trop parfumé, j'vais classer les soldats qui sur le terrain ne sont pas fameux. Effrayé par ce style qui dévaste tout comme un ouragan. Ils disent que le rap est dead, putain. Ça devient trop rageant. J'estime qu'il y a trop de rimes. On fait trop de crimes sur cette production. Même film avec charisme comme un carré, c'est pour ma section. 2K2, je vois qu'ici la concurrence est rude. En l'occurrence, je montre ma putain d'attitude. Le style est opulent, c'est pour ça que l'industrie titube. Je reviens en force, je l'avais dit, t'as vu la promptitude. De nos jours, y'a trop de bif, les MC parlent trop. Ça joue les durs, mais dans la rue, ça se prend des coups de couteau. Évite les tentations où tu chieras derrière les barreaux. Coincé avec des barjots, et tu pisseras dans ton front gros. Frollo, t'as vu comment aujourd'hui la vie est hardcore. Le monde est en danger. Faut prendre les choses en main comme Alcor. Les crises, les guerres, les attentats, putain, ma ça c'est trop grand. Y'a trop de morts dans nos vies, j'ai peur qu'on s'apitoie sur notre sort. Hey yo, j'ai la rage quand je vois que leur politique assassine. Ils veulent nous entuber et nous arracher nos belles racines, tous ces racines. Dis-leur que l'heure de la vengeance a sonné. Ils vont se faire découper avec violence comme j'ai le boucher. Ok, MC Bonnet, hey. MC. Ok. MC Belette au rapport, ouais l'approche je l'ai faite foule. Et contre nous y'a pas de rapport, non mon style est bien plus honnête. Au fait, on rappe pour les bons, non mais les oulettes. Les gars, les meufs, les bons, les mauvais qui parfois font des boulettes. Bougez, moi je m'installe où je veux comme Rosa Parks. Stoulé, genre je que mon son tourne et t'osera pas. Ce qui est croué, tu prends des coups et tu ressens la patate. J't'ai touché, t'es coulé, le son te met à quatre pattes. Dar, dar, j'claque un drift pour les potos. V'là le rap, dar, donc j'tape une pause, clic, photo. Hey. Dans les films y'a beaucoup de... Et dans ma street 1, y'a beaucoup de sinon t'as les ripoux qui roulent en cabriolet. T'as moins de chances de te faire buter que de te faire cambrioler. Je me souviens de cette époque où j'ai une pensée qu'auriolée. Les grands brillaient au nez, maintenant je veux que t'es biviolé. Isolé, obligé car ça devient franchement gavant. Ils ont fait un slogan pour dire que le rap c'était mieux avant. Le monde s'est mis à vendre des disquettes dans la tête des gens. Forcément maintenant les MC ne savent même plus des gens. Ok j'admets que c'est méchant mais du flow t'inquiète passager. C'est violent comme le crash d'un AF plein de passagers. Ben sachez que les sachets qu'on s'achète dans ma street, eux viendraient dire d'Amsterdam près d'un ou Maastricht. C'est la triste réalité, on passe notre temps à se descendre. Les gens tapent de la coke qui tombe du ciel en plein mois de décembre. Ok, ici y'a que des cendres, non j't'assure. Pas né sous la même étoile, j'viens pas de la Côte d'Azur. Sinon j'rappe sur des trucs conscients ou de l'ego trip. J'frappe dur dans ce que j'entreprends, ce qu'on pratique. Okay. On bat trip batterie quand nos vautiers n'ont plus de batterie. Paris sur ma patrie, on vient pour casser des parpilles. Tu sais qu'on caprice, ils appellent Elchestarski. Histoire de contrôler les jeunes en Air Max ou Stan Smith. Vas-y, serre un pastis ou bien vodka Red Bull. La castige, ils ont déjà leur petite bouteille à la Red Bull. T'as pas besoin d'airbag dans un Airbus défaillant. T'as la pression comme si t'avais un couteau sur tes phalanges. Ok, ok, freestyle 2010. Ici, la famille et ma tome. Freestyle Bomb, la New School. Splat Sky de Zella H. Collaboration Pinty, Sissi, Street Album. Aïe, 2009, 2010. Freestyle 2010. Yeah, represent, yeah.